Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Et comme vous êtes gentil, cette semaine, on vous propose un double superfail, guérir de l'homosexualité. Pourquoi est-ce un double superfail? Eh bien, parce que l'homosexualité n'est pas une maladie et parce que donc, ça ne se guérit pas. Sempre sono stati gli omosessuali e le persone con tendenze omosessuali. Sempre. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles. Les sociologues disent, et je ne sais pas si c'est vrai, que dans les époques de changement, certains phénomènes sociaux et éthiques grandissent, parmi lesquels celui-là. La tua domanda è chiara. Cosa io direi a un papà? Mais votre demande est claire. Qu'est-ce que je dirais à un papa qui verrait que son fils ou sa fille a cette tendance? Io dirò prima di pregare. Je dirais premièrement de prier, de ne pas condamner, de dialoguer, de comprendre, de donner sa place au fils ou à la fille. De donner une place pour qu'il s'exprime. Et puis, à quel âge se manifeste cette inquiétude pour son fils? C'est important. C'est une chose quand cela se manifeste durant l'enfance. Il y a beaucoup de choses à faire par le biais de la psychiatrie pour voir comment sont les choses. C'est autre chose quand cela se manifeste après 20 ans. Je ne dirai jamais que le silence est un remède. Les propos du pape François, lesquels ont fait scandale ensuite. Le pape est revenu sur ses propos. Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglodre, bonjour. Bonjour. Vous consacrez une enquête intitulée « Dieu et amour infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels ». C'est publié chez Flammarion. Il y a donc en France des gens qui veulent guérir les homosexuels? Oui, en fait, nous, au début de notre enquête, on savait que c'était un phénomène très prégnant aux États-Unis, puisque ça a été très bien documenté, et on s'est posé la question, est-ce que ça peut exister en France? Est-ce que ça peut exister au pays du mariage pour tous, de la laïcité, voire de l'anticléricalisme? Et très honnêtement, dans les premières semaines de notre enquête, on avait des énormes doutes. On se demandait si c'était un phénomène implanté en France. Et deux ans après, vous avez moins de doutes. Non seulement on a moins de doutes, mais on peut dire que non seulement ça existe en France, mais c'est un phénomène qui se développe. Qui se développe. Mais alors, est-ce que il y a un lien très étroit entre une conception religieuse et la volonté donc de guérir les homosexuels, Timothée de Roglodre? En fait, les groupes sur lesquels on a enquêté sont au carrefour du spirituel et du psychologique. Donc à la fois, il y a des références aux textes bibliques avec une lecture très fondamentaliste. Et d'autre part, il y a des choses qu'on qualifie de pseudo-psychologiques, c'est-à-dire des emprunts qui vont être faits à la psychanalyse, à une certaine version de Freud un peu datée, un peu détournée. Et ces deux volets vont servir à expliquer les origines de l'homosexualité, qui est vue comme une déviance, et également à la guérir, entre guillemets, par la prière et par des accompagnements psychospirituels. Alors, les réseaux que vous avez explorés, notamment Torrent de Vie et Courage, c'est cela? Exactement, oui. Et ils ont des liens avec des institutions plus connues, Jean-Loup Adenor. Alors, donc les deux groupes qu'on a étudiés, c'est effectivement Torrent de Vie et Courage. Torrent de Vie, c'est un groupe évangélique, donc qui est inspiré d'un groupe américain qui s'appelle Desert Stream Living Waters, qui a été créé par un américain qui s'appelle Andrew Comiskey. C'est un groupe qui est fondé vraiment sur la même méthode qu'aux États-Unis, ce que Timothée expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce mélange entre psychologie et religion. Très clairement, ce qu'ils font, c'est que ils ont des enseignements sur des choses comme les qualités intrinsèque de l'homme et qualité intrinsèque de la femme, par exemple, et puis il va y avoir une prière, des prières de renonciation aux démons, parfois des exorcismes. Donc ça, c'est pour le groupe évangélique. Pour le groupe Courage, qui lui a été créé dans la queue de comète de la Manif pour tous en 2013-2014, en fait, des gens qui ont participé à la création de Courage ont été impliqués dans la Manif pour tous, comme le père Louis-Marie Guiton. Ce groupe encourage plutôt à la chasteté. Donc ça, c'est le modèle catholique. C'est-à-dire qu'en fait, les frères de Courage vont s'encourager les uns ou les autres à rester sur la voie de ce qu'ils appellent la chasteté. côté, donc c'est-à-dire l'abstinence sexuelle pour les homosexuels. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une conception française de ces thérapies? Je mets évidemment le mot thérapie entre guillemets, Timothée Droglodre. Oui, complètement. Ça, c'est une des premières choses qui nous a surpris, c'est que aux États-Unis, les discours de guérison sont très assumés. On parle de voilà, il y a certains ouvrages, par exemple, Jean-Loup parlait d'Andrew Comiskey, un de ses ouvrages est sous-titré « Comment Jésus guérit l'homosexuel ». Et en France, il a été traduit sous le titre « Vers une sexualité réconciliée ». Donc, ce qui est très caractéristique de ces groupes en France, c'est qu'il y a, ça serait interdit une simulation du discours. Alors, en France, il y a une proposition de loi qui devrait être déposée au printemps. En ce moment, il y a une mission d'information parlementaire qui a été lancée par deux députés. Mais jusqu'à très récemment, les pouvoirs publics ne savaient pas que ce phénomène existait et donc ne s'y sont pas penchés. Timothée Droglodre, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes comme ça? Parce que, alors moi, il y a quelques années, j'avais essayé, j'avais trouvé un, mais bon, on voyait quand même qu'il s'agissait dans l'ombre et qu'ils n'étaient pas très désireux, paradoxalement, de se faire de la pub. Oui, en fait, nous, les deux groupes principaux sur lesquels on a enquêté, c'est donc Torrent de Vie et Courage. Torrent de Vie a ouvert des antennes dans une quinzaine de villes françaises depuis son implantation en France en 1995. Et Courage s'est implanté plus récemment en 2015 et a essaimé dans trois diocèses. Après, on a identifié d'autres groupes de plus petite taille, comme Oser en parler, par exemple, qui est évangélique, ou des associations, des structures qui traitent pas uniquement de la question de l'homosexualité, mais qui vont proposer des méthodes similaires avec des inspirations similaires. Par exemple, l'association de formation chrétienne de la personne, qui est un groupe de thérapeutes, en général pas diplômés de psychologie, association dans D'accord, laquelle Guilhem, c'est un thérapeute tout à fait sauvage. Et est-ce qu'on est capable, alors ça c'est compliqué, de mesurer ou de connaître la taille précise, vous en avez trouvé à Paris, en Saône-et-Loire Non, en fait il n'y a aucun chiffre qui existe, justement parce que les pouvoirs publics ne s'y sont pas encore penchés. Mais par exemple, au Royaume-Uni, le gouvernement a lancé une vaste étude très récemment, où elle a montré que 7% des personnes LGBT s'étaient déjà vues proposer une thérapie de guérison. En France, c'est difficile de le mesurer, mais justement, on aimerait bien qu'il puisse y avoir une étude quantitative. En tout cas, ce qu'on a découvert, c'est que c'était un phénomène en progression, puisque avant les années 90, il n'y avait pas de groupe ex-gay, ce qu'on appelle les groupes ex-gay, ils n'existaient pas en France. Et voilà, il y en a quand même une petite poignée qui se sont multipliées depuis cette période-là. Jean-Louis Adenor. Mmh. Vous avez réussi à infiltrer ces groupes. Comment ça s'est passé? Alors, pour infiltrer ces groupes, on a construit un personnage, le personnage qu'on estimait un peu emblématique des personnes qui passent par ces thérapies de guérison. On s'est rendu compte ensuite, une fois sur le terrain, qu'on était un peu loin de la réalité. En fait, on était inspiré du modèle américain où on a beaucoup l'image de ces jeunes qui sont envoyés par leurs parents, pour des parents qui sont souvent très très chrétiens dans ces groupes. En fait, une fois sur le terrain, ça s'est passé différemment. Alors, il y avait bien sûr une méfiance de ces groupes-là au début quand on les approche, mais une fois qu'on a pu entrer en contact avec eux, en fait, on s'est très vite senti en confiance avec eux. En fait, il y a vraiment une idée de proximité. Ce sont des gens qui vont parler de choses qui sont très intimes, de choses de blessures familiales. Donc, il y a vraiment un côté familial qui s'installe dans ces groupes-là. Donc, on a présenté ce personnage-là. On a fait le groupe Torrent de Vie, donc qui est le groupe évangélique. On a passé une semaine avec eux en 2018, l'été. C'est une semaine de séminaire de restauration. On s'est rendu compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte d'abord que, effectivement, l'idée qu'on avait des personnes qui passaient par là était pas juste. Ce sont des gens qui viennent de leur plein gré, qui sont souvent des personnes plus âgées que ce qu'on se représentait, qui ont entre une quarantaine, une cinquantaine d'années, par exemple, qui sont pas forcément croyants à l'origine. Ce qui était assez surprenant pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont lutté longtemps avec leur orientation sexuelle pour des raisons diverses, l'environnement familial, l'endroit où ils vivent, le fait que c'était à une époque où l'homosexualité était pas, c'était pas traité ni accepté comme ça peut l'être aujourd'hui. Bon, mais 40-50 ans, vous êtes une grande personne a priori, oui. Vous pouvez décider l'endroit où vous vivez. Bien sûr. Alors, si vous voulez, les raisons pour lesquelles les personnes homosexuelles ont du mal à accepter leur sexualité, elles sont variées, elles sont complexes. Mais il se trouve que le seul groupe, les seules institutions qui apportent une réponse qui leur convienne, à savoir tu as raison de te sentir mal dans cette sexualité-là, puisque ce n'est pas ta bonne sexualité, puisque c'est une déviance chez toi, nous, on a une réponse pour toi, on peut t'aider. Les seuls groupes qui sont capables d'apporter cette réponse-là, ce sont ces groupes-là, en fait. Donc ces gens-là, souvent, étaient peut-être croyants, ou voire pas pratiquants, hein, mais juste croyaient en Dieu. Et arrivés dans ces groupes-là, en fait, ils se rapprochent de leur foi, ils se mettent à pratiquer de façon beaucoup plus forte, parce que pour eux, c'est une promesse de guérison. Donc la foi est quand même immédiatement présente. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit thérapie de guérison, d'ailleurs. Avec Timothée, on insiste là-dessus dans le livre, parce qu'effectivement, le terme guérison, pour nous, rappelle qu'il y a une dimension religieuse, en fait. Dimension religieuse qui est tout à fait assumée, Timothée Droglodre. Oui, bah, elle est assumée, elle est omniprésente, donc Jean-Loup a pu le constater dans ses infiltrations. Et aux États-Unis, il y a quelques exemples de groupes qui sont aconfessionnels, où on peut trouver des athées qui vont vouloir guérir. En France, nous, en tout cas dans notre enquête, on a vraiment trouvé 100% de personnes qui sont chrétiennes, des organisateurs qui sont chrétiens, des participants qui sont chrétiens. Mais il faut rappeler aussi que ces tendances, donc les évangéliques et les catholiques charismatiques, c'est une tendance du catholicisme. Quel type de tendance ? Une tendance déjà avec une vision très conservatrice de la société et justement inspirée des évangéliques et avec aussi une croyance très forte en l'action de guérison du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit peut guérir immédiatement sur terre ce qui les blessures des personnes. Mais ce sont des gens également très prosélytes. Prosélytes, en tout cas, c'est des gens qui... C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à l'autre avec des arrière-pensées, certes, mais ils ont de grandes facilités intégratrices. C'est des gens qui vont parler plutôt d'évangélisation, mais après, ça dépend de quelle manière ça se manifeste. En tout cas, c'est des gens qui veulent répandre la bonne parole du Christ. Et justement, ça, c'est très caractéristique des évangéliques, puisqu'il y a eu une forte poussée dans les années 70 de l'évangélisme aux États-Unis, et qu'il y a énormément de groupes, dont les groupes ex-gays sur lesquels on a enquêté, qui se sont déployés partout sur la planète. Jean-Loup. Oui, alors pour revenir sur cet aspect central de la religion, de la guérison, je peux vous donner un exemple très simple. En infiltration, ce qui se passe quand on va se faire restaurer, hein, c'est-à-dire guérir. On appelle ça restaurer. C'est de la restauration. Alors le lexique est adouci, hein, c'est-à-dire qu'on parlera pas évidemment jamais de maladie, jamais d'un homosexuel comme d'une personne malade, jamais. On va dire que c'est une personne qui présente des déviances, qui présente des souffrances, et que la restauration, clairement, c'est le retour vers l'hétérosexualité. C'est ce que ça veut dire, restauration. Ce qui se passe donc dans ces groupes-là, quand on s'y infiltre, ce que j'ai pu constater quand j'y ai été, c'est qu'en fait on va parler donc de ce qui se passe dans l'enfance, des blessures, d'une mère qui étouffe, d'un père qui est absent ou l'inverse. Donc on cherche l'origine du dérèglement. Hein. C'est important de bien comprendre ça au début. Ça c'est un discours psychologique. Hein. C'est psychologisant de dire si tu es homosexuel, c'est que papa était absent, maman t'a étouffé. En gros, hein, c'est des clichés. Ah, c'est toujours comme ça. Voilà, exactement. Et derrière ça, ce qui se passe, donc les participants sont assis en groupe de parole à 5 ou 6, discutent de ça, donc vont dire voilà, ma mère était absente, mon père était étouffant ou l'inverse. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que il y a une analyse psychologisante, les équipiers de Torrent de Vie, en l'occurrence, vont se lever, s'approcher du participant et prier pour lui. Donc la réponse qui est apportée à une souffrance psychologique, c'est la prière, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc c'est des prières de guérison, c'est parfois ce qu'on appelle du parler en langue. Alors le parler en langue, c'est quand l'équipier habité par sa prière va se mettre à marmonner des choses, à dire des mots qui n'ont pas vraiment de sens. En fait, c'est la langue du Saint-Esprit. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Et par cette prière, en fait, on appelle à l'action du Saint-Esprit, donc à l'action de Dieu, et on ne présente pas de réponse psychologique, a pourtant une démarche qui, à l'origine, est psychologisante. C'est ça, en fait, toute l'ingéniosité de ces groupes-là. C'est de poser des questions à des questions psychologiques et d'y apporter des réponses religieuses. Timothée Droglodre, alors là, on voit qu'on a affaire, finalement, à une démarche qui est très New Age, c'est-à-dire que c'est un syncrétisme de croyance, de cuisine, enfin, je sais pas trop comment qualifier ça, mais en tout cas, c'est un mélange. Bah, c'est, alors je sais pas si on peut parler de New Age, mais le mot qu'on pourrait employer, c'est œcuménisme, c'est-à-dire que l'œcuménisme, ça resterait sur des religions préétablies. Or là, ça touche quand même à la cuisine. C'est-à-dire, vous allez mélanger différentes pratiques et différents discours. C'est surtout un mélange de psychologie et de spiritualité, mais en revanche, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est des courants religieux qui sont établis et respectés. Et ils sont respectés par les autorités religieuses. Par exemple, le groupe Courage, un an après sa création, en 2016, a été reçu par la Conférence des évêques et est soutenu par 3 diocèses actuellement. Au moins trois diocèses. Mais au nom de quoi? C'est-à-dire que ce groupe se présente comme étant, alors donc non pas un groupe guérissant les homosexuels, puisque ça vous avez dit... Non, un groupe qui aide, qui accueille les personnes homosexuelles. Et c'est ça aussi l'une de leurs forces, en fait. C'est qu'ils présentent vraiment un visage d'accueil. Et quand on s'intéresse aux gens qui tiennent ces groupes, je pense notamment au pasteur Werner Lorcher qui tient Torrent de Vie en France, quand on s'intéresse à ces motivations, qui a été l'une de nos questions principales, pourquoi ces gens-là font ce qu'ils font? C'est quand même une question qu'on s'est posée. Werner Lorcher, quand je le fréquente en infiltration, je me rends compte rapidement, j'en parle avec Tim, ça nous surprend beaucoup, qu'il est absolument convaincu d'aider les personnes homosexuelles. En fait, il s'est donné pour mission de les aider. Derrière, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas quelqu'un qui va... C'est vrai que c'est gratuit, en fait, c'est ça? C'est pas gratuit, mais ça couvre à peine leurs dépenses. Ça dépend ce qui... Alors, pour Courage, le groupe Courage, en l'occurrence, qui est les frères qui s'aident dans la chasteté, c'est gratuit. Pour ce qui est de Torrent de Vie, donc c'est ces groupes évangéliques où il y a plus de prières, où c'est plus de l'ordre de la guérison, de l'action de l'Esprit Saint, ces groupes-là font payer, je crois que le séminaire d'été, c'était 350 euros, je crois, quelque chose comme ça. On a fait le calcul, à la louche, ils couvrent à peine ce qu'ils doivent dépenser pour la location de l'endroit, etc. Donc il n'y a pas derrière d'enrichissement personnel. Ce qui est certain, et c'est ce qu'on raconte dans le livre quand on parle du pasteur Lorcher, c'est qu'il s'est donné pour mission d'aider les personnes homosexuelles. Et il s'est donné cette mission avec l'accord de sa hiérarchie. Est-ce que, parce que là aussi vous dites qu'ils sont reçus par l'Église, mais est-ce qu'ils ont concocté ça dans leur coin ou est-ce que finalement ils ont été soutenus par l'institution? Alors, comme je disais, du côté des catholiques, la conférence des évêques a reçu Courage, mais elle ne soutient pas ni ne condamne officiellement. En revanche, du côté des évangéliques, il y a un soutien beaucoup plus assumé. Donc, Torrent de Vie fait partie du CNEF, du Conseil National des Évangéliques de France. Et ce qu'on a découvert, c'est que en 2013, quand la Miviludes, qui lutte contre les dérives sectaires, a accueilli Werner Lorcher, le pasteur de Torrent de Vie, pour vérifier s'il y avait de possibles dérives sectaires, il est venu accompagné d'un membre de la direction du CNEF. Et aujourd'hui, ça continue. Le CNEF est auditionné par l'Assemblée nationale dans le cadre de la... Pourquoi? Parce que pour vous, il y a là quelque chose qui pourrait s'apparenter à une secte? Nous, on n'a pas tellement travaillé sur l'aspect de... Est-ce qu'il y a emprise? Sur l'aspect des dérives sectaires, parce que il y a effectivement, on peut soupçonner qu'il y ait de l'emprise. Enfin, Jean-Louis a pu le constater dans les infiltrations. En revanche, ce qu'on nous a beaucoup dit, notamment du côté de la Miviludes, c'est qu'il y avait un critère qui manquait, justement, c'était le critère financier pour qualifier ces pratiques de dérives sectaires. Donc, pour nous, c'est pas l'angle d'attaque le plus pertinent sur ce phénomène-là. Oui, ce qui nous a souvent été dit quand j'étais en infiltration chez Torrent de Vie, c'est que Torrent de Vie n'a pas pour vocation à garder ses membres. L'idée de Torrent de Vie, c'est de recevoir des personnes qui ont besoin d'aide, de les restaurer, en tout cas de les amener sur la voie de la restauration, et ensuite de les renvoyer dans les églises. C'est ça l'idée. Sauf que dans les faits, quand on s'intéresse aux faits, c'est quoi la restauration? La restauration, c'est l'idée selon laquelle on est débarrassé des attirances homosexuelles. Sauf que quand on s'intéresse aux personnes que Torrent de Vie met en avant, c'est-à-dire celles qui sont censées être restaurées, et quand on leur parle, on se rend compte qu'ils nous disent tous, c'est le cas notamment d'un homme que j'ai rencontré à Torrent de Vie en l'été 2018, qui se présente comme restauré, qui explique qu'il a eu un parcours d'homosexuel, qu'il a eu une vie extrêmement triste et de souffrance, qu'il a rencontré Torrent de Vie et qu'il a été restauré, que maintenant il est marié, qu'il a une petite fille. Quand je le croise à la sortie de son enseignement, je lui dis, c'est génial de voir des gens qui sont restaurés, c'est vraiment génial. Et il me répond, c'est un combat de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cet homme, il continuera à aller à Torrent de Vie. Il continuera à fréquenter ses groupes de parole, il continuera à fréquenter le ministère de Torrent de Vie et à suivre la pratique que Torrent de Vie lui propose. Donc, ils ont quand même beau dire que l'idée, c'est de les renvoyer. Si pour rester sur la voie de la restauration, il faut continuer à fréquenter Torrent de Vie, on n'est pas renvoyé dans l'église. Où commence la bienveillance, ou finit la bienveillance, ou commence l'homophobie? Alors sur la question de l'homophobie, c'est très intéressant parce que on serait tenté de qualifier tout ça spontanément d'homophobe sans réfléchir à la question. Nous, ce qu'on dit, c'est plutôt que les discours tenus par ces groupes-là sont homophobes parce qu'ils assimilent l'homosexualité à une déviance, à une conséquence de traumatismes familiaux, etc. En revanche, comme le disait Jean-Louis, il y a toujours de la bonne volonté, une volonté de faire le bien. Donc on n'est pas sur de l'homophobie un peu des agressions de rue, etc. Mais on est sur une homophobie un peu plus latente et un peu plus... Je sais pas comment... Parce que... dangereuse. Alors, vous voulez la qualifier de pernicieuse, mais... Mais moi, je la qualifierais même de dangereuse, en fait. Parce que, regardez, par exemple, quand on va à Torrent de Vie, la saison 2018. Ok, on arrive, les gens sont extrêmement accueillants, fraternels. On est entouré de gens qui vivent mal leur sexualité, donc on se sent en confiance avec ça. On a l'impression qu'on est accueilli avec cette problématique-là chez nous. Pour les gens qui sont en souffrance par rapport à l'orientation sexuelle, c'est extrêmement important de se sentir accueilli. Donc c'est très bien. Au début, moi, quand j'arrive, je dis à Tim, je lui passe un coup de fil les premiers jours. Je lui dis c'est génial, c'est ambiance colo. On est tous bien ensemble. Ce qui se passe par la suite, au bout du troisième ou du quatrième jour, c'est qu'on assiste à un enseignement d'une femme qui vient nous dire voilà, j'ai eu une relation très toxique avec une autre femme. Maintenant, grâce à Torrent Vie, j'en suis sorti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y avait chez moi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ces attirances-là? Clairement, c'est ce qu'ils appellent l'adversaire, Satan, Baal, le démon. Donc là, on est clairement sur une lecture diabolisante de l'homosexualité, on est dessus. Et donc, quand on relie la cause d'attirance homosexuelle à l'existence d'un démon, d'une possession démoniaque, là, on est clairement, fondamentalement, sur un discours qui est homophobe et qui peut être dangereux. Même si, par ailleurs, il y a un accueil, il y a de la bienveillance. Un mot à ce sujet. Est-ce que, finalement, lorsqu'on a affaire à ce type d'organisation, on est dans un registre où on considère que la personne qu'on doit guérir, entre guillemets, est maléfique, elle est aussi curable? Alors, c'est ça, en fait, la duplicité de ce type d'organisation. Oui, c'est effectivement ce que Jean-Loup a pu constater pendant sa semaine d'infiltration, c'est que la bienveillance s'est vite transformée en une forme de rejet, notamment avec l'idée selon laquelle l'homosexualité serait due à des démons antiques, ce qui peut être extrêmement violent, notamment pour un homosexuel relativement jeune qui subit de l'homophobie. Je sais pas si c'est très chrétien d'ailleurs de dire des démons antiques. C'est un peu étrange. C'est surprenant. Mais justement, c'est ça, en fait, ce que j'appelle. C'est un enseignement sur l'idolâtrie, justement. C'est un enseignement où on nous apprenait, ça s'appelle la renonciation aux fausses idoles. C'est le nom d'enseignement, en fait. Et je vous ai raconté cette scène, mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on se met tous à prier ensemble. Et là, c'est surréaliste. Je suis avec tous ces gens que j'ai côtoyés et qui sont très sympas, quoi, avec qui on a vraiment échangé de bons moments. Et d'un seul coup, on se met tous à lire une prière où on confesse qu'on a prié le genou devant un faux dieu, le démon de l'idolâtrie sexuelle. Et je les vois tous réciter ce texte. Et je me dis, mais c'est surréaliste, quoi. Dernière question, Jean-Loup, vous les avez vus ces gens-là après? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Alors non, je les ai pas vus. Je pense que la sortie du livre va peut-être bouger les choses. Ouais. Non, en fait, je les ai pas revus après. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est que les gens que j'ai fréquentés là-bas sont, pour la plupart du temps, des gens qui sont en souffrance avec ça et qui sont des témoins, en fait, des participants. Et c'est vrai que ça a été difficile de me dire que leur histoire, même si évidemment c'est anonymisé et qu'on n'a pas fait ce travail pour afficher qui que ce soit, bien sûr, c'est vrai que ça a été difficile. Pour les organisateurs, en revanche, on s'attendait à une réaction et pour l'instant, on doit dire que c'est plutôt calme. Un dernier mot? Oui, bah en fait, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, donc les pouvoirs publics se penchent sur la question de l'interdiction. Nous, ce qu'on dit, c'est que il faut pas dissoudre ces associations parce que ce serait leur donner des armes pour se victimiser. Mais en revanche, il faut donner des moyens à la victime de pouvoir demander réparation quand elle se sent victime. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer une qualification pénale pour accompagner les victimes. Jean-Loup Adenor, Timothée de Roglaudre, Dieu est amour, c'est votre enquête infiltrée parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels et c'est publié chez Flammarion. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Laurie Vachon à la technique et surtout ruiné par David Jacobovies à la réalisation. Superfell.